je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue pour ce troisième numéro de Ludologie, le podcast qui traite du jeu dans tous ses états. Après avoir posé les quelques grandes questions préliminaires au cours des deux premiers numéros, aujourd'hui on va commencer à rentrer un petit peu dans des sujets plus spécifiques, en l'occurrence des enjeux quasi politiques. On reçoit pour ça un invité qui s'est penché un petit peu sur la question. Adrien va pouvoir vous la donner d'ici quelques instants après avoir présenté l'invité. Un invité qui lui-même connaît bien pour avoir travaillé avec lui sur un projet il y a déjà quelques temps. Alors Adrien, dis-nous en plus sur notre invité mystère pour encore quelques secondes du jour. Il s'agit de Bastien Kerspern, donc game designer, UX designer. Il a plein de casquettes. Alors voilà, comme je disais hors micro à Manu, pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs, on a eu l'occasion nous de travailler sur un news game qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle NDDL News Game. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et si on l'a invité aujourd'hui, c'est pour se poser la question de comment le game design se mélange avec la citoyenneté. Et je pense que la première question pour démarrer ce podcast, cette émission, c'est en quoi le jeu peut être citoyen. Alors c'est très vaste, mais peut-être qu'on a des cas de jeux qui ont, en tout cas, peut-être questionné cet état qu'est le citoyen et les pouvoirs qui sont en place. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, ça demande même à définir une première notion, c'est qu'est-ce qu'être citoyen. Il y a plusieurs choses et je dirais il y a plusieurs approches à ça. On a eu des jeux qui, depuis quasiment que le jeu vidéo existe, on a eu deux grands types de jeux. On avait des jeux effectivement qui étaient très orientés divertissement. Et on avait d'autres jeux qui portaient plus à un message politique, d'une certaine manière, ou qui, par sa mécanique de jeu, allaient vouloir faire passer un message. Je pense notamment à Oregon Trail, qui était un jeu, alors je ne sais plus la plateforme, mais c'était un peu honteux, mais qui... Je crois que c'était un jeu PC, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'était un jeu sur PC, ouais. Et qui proposait justement de revivre la conquête de l'Amérique de l'Ouest par les colons, et qui vous amenait à faire des choix justement dans la façon dont vous alliez gérer vos colons. Donc il y avait déjà une notion de citoyenneté d'une certaine manière, si on se réfère à la vie de la cité, à la façon dont on fonctionne tous ensemble, les relations qu'on a les uns avec les autres. Il y avait déjà des éléments, des bribes de rhétorique citoyenne dans ce jeu. On a d'autres jeux plus récemment qui tentent une approche plus critique, je pense notamment à tout ce que, on en reparlera sûrement après, mais de tout ce que fait Mole Industria, qui est donc un regroupement de game designers et de programmeurs italiens et qui font des jeux critiques en fait, qui font des jeux qui utilisent ces rhétoriques pour faire passer des messages ou pour décrypter des enjeux sociétaux. Je pense notamment à Phone Story qui mettait en avant, on va dire, la face cachée de la construction d'un smartphone, allant de l'exploitation de mines pas très très écologiques à la construction du smartphone en tant que tel et quasiment un esclavagisme à ce niveau-là de la part de ceux qui étaient amenés à construire le téléphone. Et on a un autre élément de jeu qui est un peu moins vindicatif, qui s'appelle les news games, mais qui touche aussi à la question de la citoyenneté, puisqu'on est sur des questions de comment on va s'informer, de comment on va quasiment participer au débat public, non pas à travers une réunion, non pas à travers un référendum, comme ça peut être les formes classiques, on va dire, de citoyenneté, mais par le fait de jouer à un jeu pour se faire une opinion, pour exprimer une opinion. Alors vous avez, comme on le précisait, plutôt un parcours dans le game design en jeu vidéo, mais j'imagine que vous êtes posé aussi la question et que vous avez regardé un peu comment ça se passait sur les autres plateformes. Je pense par exemple à du jeu de société, où la question de la citoyenneté se pose, ou des questions économiques se posent, comme dans un jeu que je suis sûr quelques-uns de nos auditeurs connaissent, qui s'appelle, je crois, Monopoly. Exactement. En fait, je suis même arrivé à la question de la citoyenneté en fait, avant d'arriver à la question du jeu. C'est-à-dire que j'ai commencé... J'ai un parcours de designer, ce qu'on appelle designer d'interaction, qui est en fait un designer qui travaille avec le matériau numérique, que ce soit une application, un site web, un objet connecté, tout ce qu'on veut. Sauf que moi, j'ai essayé d'appliquer ces principes en fait à un problème qu'on avait, qui était celui justement de comment on peut faire mieux fonctionner entre guillemets notre démocratie. Et donc je suis arrivé là-dedans. Donc voilà, il y avait plein de problèmes à résoudre. Et une des questions, c'était de se demander comment on pouvait engager les gens et engager différemment les gens. Et le jeu était justement une de ces pistes pour permettre l'engagement et pour créer en fait simplement de l'interactivité au niveau citoyen. C'est même au-delà de l'aspect numérique. Historiquement, il y a effectivement le Monopoly qui parle, en fait, qu'à la base, c'est une critique marxiste du système capitaliste. Et même, c'est Yann Bogost qui dit ça dans son ouvrage sur le News Game Journalism at Play. Il dit que même les mots croisés sont une sorte de news game. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être plus en détail? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, même d'un point de vue, je pense que vous en avez déjà parlé lorsque vous avez évoqué l'émission sur la création des jeux. En fait, souvent, lorsqu'on crée un jeu vidéo en tant que tel, on passe par une étape qui est l'étape papier. C'est-à-dire qu'on va tester nos mécaniques avec des cartes, avec du papier, et avant de passer sur le format numérique en tant que tel, juste pour voir si la mécanique fonctionne. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que sur pas mal de jeux vidéo engagés ou jeux vidéo citoyens, les mêmes mécaniques peuvent être utilisées sur un format hors ligne. Et c'est pas anecdotique dans le sens où on a quand même encore des populations. Ce serait illusoire de croire que tout le monde est connecté ou que tout le monde a une espèce de littératie numérique. Et pour une question aussi parfois simplement de convivialité, voire d'expérience de jeu, le médium analogique est absolument parfait pour ça. C'est notamment dans NDDL News Game dont tu parlais tout à l'heure, on avait envisagé le fait d'avoir une déclinaison en format plateau pour qu'à un moment les gens puissent quitter l'écran et que le débat prenne corps, en fait, j'allais dire, dans la vraie vie. C'est mal dit, mais hors écran et hors numérique. Dans ce qu'on appelle un jeu de société, du coup. Dans un jeu de société, c'était même un enjeu de société. Je vais revenir sur ce dont vous avez parlé concernant une des premières fois où vous êtes posé la question de l'usage du jeu dans un cadre citoyen. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail du projet, de comment vous l'avez développé, et puis peut-être aussi parce que ça fait partie de l'ensemble des problèmes qu'on peut rencontrer, parce que justement, engager le citoyen, c'est se confronter à un joueur qui ne va pas nécessairement se comporter avec le joueur comme on attendait à ce qu'il fasse. Alors en fait, je suis arrivé sur cette question en développant un service qui s'appelle Influent et qui est un service en fait qui permet aux citoyens, on va dire, de développer sa participation citoyenne. C'est-à-dire que moi, quand je me suis intéressé à la question de qu'est-ce qui marchait pas dans la démocratie, moi, ce qui m'intéressait, c'était concrètement qu'est-ce qui marchait pas, ou du moins comment les gens ressentaient le fait que ça marchait pas. Et lorsque on parlait avec des gens, notamment qui ne s'engageaient pas, que ça soit d'une manière dans le vote, que ça soit en dehors dans une association, ou qui n'osaient pas participer, je sais pas, à ce qu'on appelle la démocratie participative, une phrase qui revenait souvent, c'était de dire, moi, je ne participe pas parce que mon avis ne compte pas, parce que ma parole n'a pas de poids. Et c'était très très intéressant parce qu'il y avait vraiment cette idée de poids en fait. Le fait que je pouvais participer, mais je n'avais pas l'impression d'avoir quelque chose en retour. Et c'est super intéressant pour un designer, game designer ou designer d'interaction, parce que nous, on fonctionne avec ce qu'on appelle le système de feedback. C'est-à-dire que lorsque vous jouez un jeu, vous faites une action, dans le jeu, il y a forcément une réaction, bonne ou mauvaise, qui va vous faire avancer ou reculer dans le jeu, mais il y a forcément une réaction. La démocratie, vous faites une action, il n'y a pas de réaction. Souvent, l'action individuelle est noyée dans la collectivité, etc. Pour plein de bonnes raisons. Le problème, c'est que ça crée une espèce de frustration auprès de la personne. Donc, avec Influent, on a essayé de travailler cette question en montrant aux gens qu'ils avaient un poids, donc en leur permettant d'une certaine manière d'évaluer déjà quelle était leur influence citoyenne, donc quelle aura positive ils avaient sur la démocratie locale. Et ensuite, on leur proposait de la développer en participant à des événements. Et là-dessus, on a rajouté une couche de grossièrement ce qu'on pourrait appeler la gamification, bien que c'était un peu plus que de la gamification. À mon sens, qui était non pas censé vraiment venir créer de l'engagement, parce qu'on estimait que ce n'était pas la création de l'engagement, mais plutôt une espèce de liant qui permettait à l'expérience de se poursuivre et de grandir au fur et à mesure. Donc c'était une première approche en fait de la gamification dans un milieu citoyen. Alors ça pose une excellente question qui est celle de l'engagement, et même que ce soit dans le jeu ou dans la société, dans la politique. Et du coup, on se demande pourquoi le citoyen et pourquoi le joueur s'engage. Et s'il s'engage, parce que des fois ça peut ne pas être le cas, comment il le fait, comment il se désengage aussi. Alors sur influence, ce qui était intéressant, c'est que en fait la mécanique de gamification n'était pas la mécanique au final qui avait le plus de valeur pour l'utilisateur. Au début, on pensait que c'était vraiment une valeur clé. On s'est dit le jeu, ça va attirer en plus des jeunes publics avec lesquels on voulait travailler et tout. Pour autant, ce qui a intéressé, c'était une autre valeur qu'on avait apportée, qui était la valeur en fait de l'accompagnement, du coaching, où on donnait des trucs et astuces pour que les gens prennent la parole, par exemple. Dans une réunion publique, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je construis mon discours, comment est-ce que je vais vaincre mon trac, etc. Donc c'est ça au final qui avait gagné le plus. Par contre, ce qu'on en a retenu de la gamification, c'est cette fonction de liant. C'est-à-dire que ça ne peut pas être la promesse principale dans la citoyenneté. La citoyenneté n'est pas un jeu. C'est un jeu de pouvoir, etc. Mais il y a quand même une part de sérieux et le jeu est souvent associé à quelque chose qui reste de l'ordre du divertissement ou du trivial. Donc on ne pouvait pas tout miser là-dessus et on a eu des points de friction, notamment avec des gens qui étaient des militants dans le dur, donc des gens qui étaient des militants associatifs, militants politiques, et qui pour eux trouvaient ça aberrant que déjà que des gens ne s'engagent pas, et en plus que des gens puissent penser qu'on s'engagerait par le jeu, ou par le biais du jeu. Donc pour la question de l'engagement... C'est une question qui est primordiale et même qu'on retrouve en fait à deux niveaux parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait les joueurs entre guillemets qui suivaient entre l'histoire qu'on pouvait leur donner ou le parcours qu'on pouvait leur dérouler. Donc voilà, tu vas remplir entre guillemets telle mission, ça va te faire gagner tant de points, tu vas augmenter ton influence de tant de niveaux. Ou alors si on prend un news game, voilà, tu remplis, tu suis l'histoire du news game et tu vas en apprendre plus sur un sujet d'actualité. Ça, c'est, j'allais dire, le premier type de joueur. Ensuite, il y a un autre type de joueur qui, lui, interroge la mécanique du jeu. Qui se demande, bah, pourquoi on me fait passer le message comme ça? Est-ce que c'est un message critique? Est-ce que c'est un message à peu près neutre? Est-ce que c'est un message partisan? Donc, il y a entre ceux qui, on va dire, suivent l'histoire et ceux qui s'intéressent à comment l'histoire est racontée, on a déjà deux types de joueurs. Sachant qu'il y en a un qui est plus critique, du moins que l'autre, et chaque joueur ne va pas s'engager de la même façon. Il y en a qui aiment être bercés dans ce flou d'histoire, et d'autres qui aiment vraiment comprendre comment la mécanique marche, soit pour être plus performant, soit simplement parce qu'il est avide de comprendre le message qu'il y a derrière. Donc quand on conçoit un jeu à vocation citoyenne, c'est notamment une double lecture qu'on doit garder à l'esprit. Il y a des choses qui peuvent être prises de manière très littérale, et d'autres où il y a une espèce de message caché, on va dire, sous la couche du gameplay. Alors, Influent a été lancé maintenant il y a un certain temps. Je ne veux pas poser une question un peu piégeuse, mais quel résultat ça donne? Alors, c'est ce que je disais, en fait. La valeur game design ou la valeur jeu, au final, n'était pas la valeur la plus prégnante. Et on a notamment un peu réorienté vraiment sur la partie coaching et accompagnement, donc qui dénotait un peu moins du jeu. Pour autant, ça reste une espèce d'élément accrocheur, en fait. C'est-à-dire qu'une accroche, souvent, qu'on retrouve, du moins quand on parle avec les utilisateurs d'influence, ils sont venus là, entre guillemets, pour la partie jeu, parce qu'ils étaient curieux de la partie jeu. Après, ils sont restés pour la partie coaching ou la partie accompagnement. Donc, on avait une espèce... Voilà, je disais tout à l'heure que c'était pas un moteur ou que ça devait pas être un élément moteur ou déclencheur. C'est un point d'accroche. Ça l'était d'une manière implicite, en fait. Il y a un news game, alors... Je ne sais plus si c'est de la mollet industrielle ou pas, qui s'appelle McDonald's The Game, je crois, ou The Video Game. Et en fait, le constat de ses créateurs, c'était que le message n'avait pas du tout été compris. Parce qu'en fait, au lieu de voir la critique de McDonald's comme voilà, chantre de la malbouffe, exploitant, enfin en tout cas, employeur très extrême, dirons-nous, etc. En fait, bah, les fans de la franchise ont dit « Ah bah super, je peux jouer à McDonald's ». Du coup, n'ont pas compris le message. Et du coup, quelles sont les conditions de la compréhension du message? Oui, parce que c'est un problème qui a été rencontré. On citait Monopoly tout à l'heure. On est vraiment dans la même problématique entre un jeu qui est là pour dénoncer les trusts et finalement des gens qui y jouent pour constituer des trusts. Ouais, c'est un gros challenge qu'on peut avoir lorsqu'on crée un jeu, notamment comme du coup Mole Industria qui avait une portée critique. C'est là où je parlais des joueurs, des différents profils de joueurs, et ça va vraiment conditionner l'engagement. C'est-à-dire que, par exemple, sur McDonald's, Video Game, il y a une notion de scoring. Donc, en gros, il faut faire plaisir aux actionnaires de McDonald's avec des moyens au début à peu près réglo, et ça va être de moins en moins réglo pour maximiser les profits. Et il y a des joueurs qui vont jouer uniquement pour le score. Donc, qu'importe le moyen, qu'importe, j'allais dire, tant que la fin est acquise, ça passe. Il y a d'autres joueurs qui vont justement, ça je dirais c'est plutôt la première catégorie de joueurs, ceux qui se laissent embarquer dans l'histoire et qui vont jusqu'au bout de l'histoire ou qui jouent vraiment. Et après, à côté de ça, il y a donc l'autre catégorie de joueurs qui est les joueurs de second niveau d'une certaine manière, qui sont des joueurs qui vont plutôt s'intéresser à la mécanique et du coup qui vont voir qu'à un moment, lorsqu'il faut que je rase dans le jeu McDonald's, lorsqu'il faut que je rase une parcelle d'une forêt tropicale ou que je rase un village indien dans la forêt tropicale pour continuer d'étendre mes cultures, là ça peut commencer à questionner leur jugement, leur morale et leur éthique. Mais pour d'autres, ça va être juste un élément de gameplay comme un autre. Pour mettre vraiment cette rhétorique, ou du moins vraiment faire que le joueur soit sensible à cette rhétorique, il y a la notion de choix qui est très très important et qui est souvent à mettre en balance. On trouve ça dans certains news games, je pense notamment à Jeu d'influence, qui est sorti il y a très, très récemment et qui a justement un système de choix qui est assez intéressant parce que ça va Alors, influer. si je ne m'abuse, un jeu qui a été notamment produit par The Pixel Hunt, la boîte de Florent Morin, avec qui je pense on aura l'occasion de discuter d'ici peu de temps sur des thématiques proches, sinon similaires. Bah, c'est justement une mécanique qui était très intéressante parce qu'on voyait l'impact que pouvaient avoir de telles décisions. Et si on revient à la question de la politique, qui est une question d'organiser les choses, de faire les choses, de gouverner, de décider, le jeu est à ce moment-là un médium assez intéressant parce que ça permet de, entre guillemets, de fonctionner comme un bac à sable. On n'est pas tant dans la simulation parce que l'idée, c'est pas de reproduire le réel. Parce que tu citais Yann Bogost tout à l'heure, il parle notamment de simulation gap, qui sont en fait des trous qui font qu'on ne pourra jamais simuler parfaitement la réalité, donc c'est totalement utopique. Pour autant, on peut avoir une espèce de représentation plausible de la réalité qui fait qu'on est capable de suffisamment se projeter, et notamment sur des questions de choix moral, de choix d'éthique, et aussi de choix d'empathie. Parce que je crois beaucoup que le jeu peut être un moteur d'empathie, donc à savoir, vu qu'on joue un rôle d'une manière ou d'une autre dans une histoire, on peut se mettre dans une posture dans laquelle on n'aurait pas dans la vie réelle. C'est ce qu'on avait notamment abordé avec NDD News Game. On parlait d'exercice d'empathie, à savoir je peux très bien être contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pour autant, à travers ce jeu, je vais expérimenter la posture de quelqu'un qui est pour. C'est de ce point-là que ce serait plus efficace qu'un autre média pour poser aux citoyens des questions ou l'amener lui-même à se poser des questions. Parce que toute la difficulté, j'imagine, c'est de faire passer, quand vous parliez de deux catégories de joueurs, des joueurs qui jouent pour le score et des joueurs qui jouent peut-être pour autre chose, c'est de faire passer, j'imagine, des joueurs qui jouent pour le score dans la deuxième catégorie. Oui, tout à fait. Alors, sachant qu'en plus, il y a une question qui est assez, assez compliquée à régler là-dedans, c'est que les jeux étant souvent connotés divertissants, on traîne, entre guillemets, cette image, d'une certaine manière, même sur des jeux critiques qui, au final, ne sont absolument pas divertissants et peuvent même être profondément démoralisants. Il y a toujours des gens qui vont venir pensant qu'ils vont passer un bon moment ou qu'ils vont se vider la tête ou autre. Pour autant, c'est pas la fonction première du jeu, n'est pas de divertir. Il y a beaucoup de jeux qui fonctionnent sur la frustration pour vous faire avancer. Donc c'est pas forcément toujours un excellent moment, mais l'avantage de jouer un rôle dans un jeu, c'est que ça nous détache déjà d'une partie de ce qu'est notre réalité, de ce qu'est notre quotidien. Donc on peut reconsidérer de nouvelles prises de position. On va expérimenter à travers des interactions la posture d'un autre, le point de vue d'un autre. Alors soit ça va l'enrichir notre point de vue à nous, soit au contraire ça va le conforter parce qu'on se dit qu'on avait raison, mais pendant l'espace d'un jeu, pendant l'espace d'un terrain qui, entre guillemets, n'est pas le nôtre habituellement, on a expérimenté autre chose. On a agi d'une autre façon, on a pris des décisions selon un autre moteur, avec d'autres valeurs. En fait, on a marché dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Et rien que ça peut permettre, notamment, je pense, dans le débat public, qui est une pratique qui est quand même amenée à se renouveler, parce qu'aujourd'hui, elle touche de moins en moins de personnes. On débat de moins en moins, alors que c'est quand même une condition sine qua non à la démocratie. Se mettre dans la peau de l'autre, comprendre la posture de l'autre, cette empathie permet justement après de mieux rebondir et de mieux dialoguer, à mon avis, que rester sur des camps qui sont parfois très très fermés. Finalement, on enregistre Zootopia aujourd'hui, donc je vais en profiter pour faire mon geek. On est vraiment dans la posture de Spider-Man, le grand choix, les grandes responsabilités et le grand pouvoir. Si c'est vraiment cette idée-là, de comme on a le choix, bah, on est responsable du choix. C'est ça l'idée, c'est de rendre les gens responsables ou de leur donner à voir de façon schématique leurs responsabilités dans la société. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, l'avantage du jeu, c'est qu'on a une fonction sensible. Autrement dit, on peut jouer sur l'affect des joueurs. Et je pense notamment à la politique, on a une espèce de défiance aujourd'hui vis-à-vis des représentants, donc les gens qu'on a élus, notamment parce qu'on a du mal à comprendre ce qu'ils font. Et en fait, on perçoit leur activité souvent à travers les scandales qu'il y a. Donc, ce qui fait que enfin, ça renvoie pas forcément une très bonne image de leur activité. Et on est nous-mêmes déconnectés de ce qu'est l'activité du politique comme une activité très professionnalisée. Et, entre guillemets, jouer par exemple la posture du politique, donc la posture du décideur ou la posture d'un camp politique quel qu'il soit, comprendre avec quelles difficultés ils vont composer pour prendre une décision, pour créer un programme, pour, je sais pas, créer la cohésion ou autre, déjà ça permet de relativiser peut-être un peu la défiance qu'on peut avoir, ou du moins comprendre mieux pourquoi ils ont fait certains choix. Ok, ils étaient confrontés à telle difficulté que je peux retrouver dans le jeu sous forme de métaphore. Eh ben, parce que j'ai joué ces difficultés, parce que j'ai joué ce rôle-là, je vais peut-être relativiser un peu la défiance que je peux avoir, quoi. Alors, on a parlé de ludification de l'expérience utilisateur, que ce soit sur une plateforme web, etc., ou même dans le cadre d'un jeu citoyen. Et j'ai envie de m'adresser au designer d'expérience. Comment on ludifie un projet? Déjà, on se pose la question, est-ce qu'il faut ludifier un projet? Alors c'est un truc que j'ai appris, enfin du coup, moins que j'ai découvert notamment en bossant sur Affluent, donc en rajoutant une couche de ludification sur ce que pouvait être l'expérience citoyenne. Pour info, pour nos auditeurs, hein, ludification, gamification, on parle de la même chose. Exactement. On est juste dans une terminologie francisée, Exactement. histoire de satisfaire Jacques Toubon. Bonjour Jacques. La question était, oui, on va rajouter une couche de mécanique de jeu sur quelque chose qui normalement ne tient pas du jeu, donc qui est l'expérience citoyenne, et là-dessus on va rajouter des mécaniques de jeu. Bon, le truc c'est que lorsque vous êtes game designer, lorsque vous créez un jeu, vous créez des règles du jeu. Donc vous imposez, vous conditionnez un comportement à votre joueur. Et c'est là où il y a, j'allais dire, la grosse part de responsabilité du game designer dans la démocratie. C'est notamment que, d'une manière ou d'une autre, vous allez conditionner le comportement citoyen d'une personne. Et on voit vite, entre guillemets, le défi éthique ou le défi moral que ça pose, parce que vous êtes censé, entre guillemets, décupler la participation d'une personne ou décupler son comportement citoyen, mais vous lui faites en imposant des règles, en lui disant le bon comportement citoyen, c'est ça. Donc c'est un exercice qui est extrêmement périlleux et on a vite fait, je dirais, de chuter, ou on a vite fait de tomber dans des mécaniques qui sont totalement. J'allais dire anecdotique, j'allais dire mettre des points pour faire une espèce de leaderboard des citoyens qui seraient les plus actifs. On en est vite revenu sur Affluent parce que ça n'avait aucun sens, parce que cette dose de compétition n'était pas forcément bienvenue, vu qu'il y avait déjà une dose de compétition dans le domaine politique en tant que tel. À quel intérêt de le transposer au domaine citoyen au lieu de créer de la collaboration? De même que cette compétition, si on voulait augmenter de niveau, donc si on faisait uniquement ce qu'on appelle du scoring, purement une attitude de joueur killer, donc de joueur qui veut accomplir un compétiteur, on pouvait très bien, entre guillemets, tricher dans le jeu, tricher en fait dans son engagement citoyen et n'agir au final que pour la finalité d'augmenter son score et non pas de produire une action bénéfique. Donc Une sorte de une carriérisme sorte de dans le jeu. carriérisme, ouais, tout à fait, et de que le comportement joueur prenne trop le pas sur le comportement citoyen. Donc on peut jouer avec des mécaniques, c'est juste qu'il faut vite quitter ce qui est un peu les archétypes de la gamification, à savoir les badges, à savoir les points, à savoir les niveaux, donc tout ce qu'on a utilisé sur Affluent, uniquement parce que on est comment dire, on est vite bloqué par ça. Et on a encore une fois, on retombe sur cette idée de règles qui conditionnent le comportement de la personne et qui conditionnent au final ce que nous on estime comme vision être, entre guillemets, une bonne action citoyenne ou une mauvaise action citoyenne. Lorsqu'on a pensé aussi à la fonction gamification sur Affluent, il faut voir que c'était aussi bien une solution, donc on pensait que ça pourrait aider des gens à s'engager, qu'une provocation. Parce qu'on attendait aussi que des gens réagissent La là-dessus. citoyenneté, c'est pas un jeu. C'est aussi ça le discours derrière. Alors nous, on n'émet pas de, je dirais, de conjecture, ou de, enfin pas de conjecture, mais de. Comment dire, d'assertion comme ça en disant la citoyenneté n'est pas un jeu. En fait, on pose la question, est-ce que la citoyenneté est un jeu? Et là, on propose une dimension gamification qui est un peu une provocation, en fait, une provocation dans le sens où vous voulez récupérer des réactions de gens et de voir est-ce que oui, ça vous paraît agréable que ça soit un jeu ou est-ce que non, au contraire, ça vous choque ou pas. Et la réponse à cette question, ça se passait plutôt bien, en fait. Ça passait plutôt comme une lettre à la poste où on a eu peut-être une ou deux fois où ça a tiqué un peu en disant ouais, mais. C'est un jeu, c'est pas sérieux. Mais la question même de se dire mon comportement va être conditionné ou je vais devoir suivre des règles imposées par quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre qui n'a pas été élu, quelqu'un d'autre qui n'a pas de légitimité démocratique. En fait, on crée un système de contrôle de la participation citoyenne plutôt qu'un système d'émancipation. Et au final, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Donc il y avait une petite dimension critique là-dedans qui n'était pas... Vous nous dites ça avec des yeux un peu effrayés. Ouais, mais parce que d'une certaine manière, à un moment ou à un autre, quand on fait ça et quand on le lance dans le monde réel, nous, on l'a fait avec une attitude réflexive qui était de se dire, c'est, on fait peut-être une connerie et on est peut-être en train de créer un monstre ou on est peut-être... Enfin, on veut tester une hypothèse et notre protocole, entre guillemets, c'est ça, c'est une provocation, on va voir ce que les gens en disent. Mais il y a d'autres gens qui le prendraient très bien au premier degré en disant bah, c'est la solution, il faut faire la gamification, allez, on y va, sans avoir à se poser un moment la moindre question de se demander s'ils ont une responsabilité ou une éthique. Et c'est quelque chose, enfin, du moins, s'il y a un enjeu éthique dedans ou pas. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, dénote peut-être du game design traditionnel qu'on peut retrouver sur des jeux divertissants, où il y a peut-être moins cette question d'éthique. Alors, on va peut-être poser la question de la morale sur la représentation de tel personnage, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un gars, pour faire écho à un débat assez récent, mais pour autant, on sera peut-être moins sur des questions de est-ce que mon gameplay va conditionner le comportement du joueur et une partie de sa personnalité ou pas. Alors, il y a deux grands autres éléments qui, à mon sens, vont être intéressants dans la question. Je vais plutôt, pour le coup, passer au premier de ces deux éléments. On s'est arrêté assez longuement sur le rôle du média, et en l'occurrence du jeu comme média, comme vecteur d'information. Il y a aussi, comme tous les médias, un potentiel côté propagande. Avec l'idée du est-ce que la parole est biaisée parce que le concepteur du jeu va donner un choix de réponse qui est déjà orienté. Et puis il y a aussi toute une partie propagande pour le coup qu'on connaît assez bien en jeu depuis pas mal d'années, de l'ordre du recrutement à des idées ou à un métier. J'imagine que vous voyez un peu à quoi je fais référence. Probablement les boulangers, non? Voilà, exactement. Et quel regard vous avez là-dessus? Parce que pour le coup, on est probablement aussi, je crois, dans un enjeu de citoyenneté. Tout à fait, c'est la question de ce qu'on appelle les jeux persuasifs, en fait, des jeux qui portent un message et qui essayent de persuader ou d'influencer sur le comportement du joueur grâce à des rhétoriques en particulier, en le mettant dans des postures où il va devoir faire des choix, etc. Là, je vais prendre deux exemples de jeux qu'on a développés. Alors, on parlait tout à l'heure de Ended News Game. Typiquement, c'est un jeu qui n'est pas persuasif. Parce que, en fait, il ne fait pas passer de message dans le sens où vous pouvez incarner n'importe quel camp. Donc, pour préciser un peu le jeu, parce qu'on a oublié de le faire tout à l'heure, c'est un jeu en fait, qui traite de l'actualité de Notre-Dame-des-Landes, donc du futur aéroport, du moins du projet d'aéroport. Et l'idée, c'est d'aborder cette question qui est très complexe, en plus, qui se passe sur plusieurs dizaines d'années. Selon qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Donc, on peut incarner un des deux camps dans le jeu, et ensuite, en fait, on va devoir s'opposer à l'autre camp en échangeant des arguments, en répondant argument, contre-argument, et en utilisant tout un système de mécanique plus ou moins, comment dire, légal et acceptable pour faire avancer ces idées. Ça peut être envoyer les CRS si vous êtes du côté des partisans, ça peut construire des barricades si vous êtes du côté des opposants. Et là-dessus, on avait utilisé la rhétorique qu'on a utilisée, c'était effectivement celle du débat, argument contre argument qui était assez stérile, et du fait que le débat n'avançait que par les choses qui se passaient en périphérie, donc envoyer des CRS, construire des barricades, jouer avec l'opinion publique. Pour autant, on n'a pas essayé de persuader le joueur en lui disant l'aéroport c'est bien ou l'aéroport c'est pas bien. C'était à lui de faire son avis. On a eu un traitement de l'information que Adrien a notamment. Oui, je me suis arraché les cheveux dessus, ouais, effectivement. A notamment mis tous ses cheveux dedans, justement pour que tous les arguments soient mis en balance et qu'on n'ait pas on n'ait pas de parti pris. Ce qui permet en fait d'avoir un jeu qui permet de se faire une opinion sans pour autant que nous on essaye de diluer une opinion en sous-main là-dedans. Pour autant, j'ai bossé sur d'autres jeux, et je pense notamment à Ortoland, qui est sorti en septembre dernier, qui est un jeu, donc un news game, donc un jeu sur l'actualité, qui traite de l'actualité du braconnage des ortolans bruants dans les Landes. Donc l'ortolan bruant, c'est un petit oiseau qui migre et qui est normalement censé être une espèce protégée, mais qui est braconné à hauteur de 30 000 spécimens par an dans les Landes, avec la complicité, en fait, d'une certaine manière, ou du moins, complicité tacite des autorités publiques, parce que aucune arrestation n'est faite ou le braconnage n'est pas empêché. Et là, par contre, on était vraiment sur un message en tant que tel. C'est-à-dire que la mécanique du jeu faisait déjà, d'une part, que vous ne pouvez pas gagner. Vous incarnez un petit ortolan qui veut essayer de migrer à travers les Landes. Malheureusement, vous allez connaître un parcours un peu tragique. Donc c'est un jeu sur lequel vous pouvez pas gagner parce que vous êtes pris dans la tourmente des événements. Et là, on avait clairement une ligne éditoriale, on était sur du news game éditorial, en disant que le braconnage, bah, c'est pas bien. Ça fait un peu bateau dit comme ça, mais ne serait-ce qu'asséner cette réalité parce que c'était passé sous, on va dire, les habits d'une tradition, sous les habits d'un socle culturel et tout. Non, en fait, on récupère juste des oiseaux qui sont censés être protégés, on les massacre, quoi. En gros, c'était un peu le message qu'on voulait faire passer. Mais c'est, je dirais, du moins sur la partie news game, donc qui sont ces jeux d'information, voire ces jeux de participation pour la construction de son opinion, on retrouve les deux, un peu comme ce qu'on retrouve sur des articles de journaux, à savoir des choses qui y mettent en balance tous les arguments, tous les points de vue, et d'autres qui sont éditorialement orientés. Je dirais l'important d'un game designer, c'est d'assumer le fait qu'on est un jeu orienté, il n'y a pas de souci là-dessus, on peut très bien vouloir faire passer un message, pour autant on l'assume en tant que tel, on n'essaye pas de le faire passer pour autre chose, quoi. À ce sujet-là, donc, je recommande le livre que j'ai cité tout à l'heure, donc News Game Journalism at Play, qui offre une vraie classification des news games existants, enfin déjà qui propose une définition très large, parfois trop même, et un peu trop enjouée peut-être du news game, et donc propose une classification, et donc il y a notamment l'Editorial Games. Moi, je voulais poser une autre question qui est arrivée donc sur NDD News Game quand je l'ai présenté. Diverses situations, et en fait, on m'a posé la question, oui, mais on ne peut pas avoir de choix entre les deux. Et du coup, ça pose la question, quelles sont les limites du jeu pour traiter un sujet? Alors déjà, on retombe sur les fameux simulation gap dont on parlait tout à l'heure, à savoir les trous. En fait, on ne peut pas représenter la réalité fidèlement. On est obligé aussi, nous, de faire des choix en tant que game designer, de couper dans certains éléments ou de mettre certains éléments plus en avant que d'autres. D'une certaine manière, il y a toujours une éditorialisation. Après, elle peut être faite dans le but de servir un message et des fois simplement pour une question de confort, en fait, de développement du jeu. Il y a peut-être une troisième voie, je dis peut-être une grosse bêtise, vous me détromperez si jamais c'est le cas. Il y a peut-être aussi par le fait de retirer des paramètres à une situation complexe, l'idée d'y amener de la lisibilité. Oui, tout à fait, on simplifie pas mal, notamment avec les rhétoriques, on simplifie pas mal ce que peut être la situation. D'ailleurs, la simplification, c'est aussi un challenge, parce que si on simplifie trop la mécanique ou qu'on veut faire croire que c'est trop simple, alors que c'est une mécanique complexe qui se passe dans le réel, on risque de faire passer un message qui n'est pas forcément le bon. Sachant que après, on a plusieurs, encore une fois, niveaux de lecture. Qui permet effectivement soit d'être dans une posture manichéenne, un peu comme on était dans NDD News Game, où soit on était l'un, soit on était l'autre, ce qui était aussi une posture volontaire, puisque le but du jeu était de se dire, une fois qu'on a terminé l'expérience, de se dire, bah mince, en fait, je peux pas être totalement pour, je peux pas être totalement contre. Il y a des arguments de chaque côté qui peuvent se valoir, ou il y a des arguments qui ont fait écho à ce que je pensais de chaque côté. Donc déjà, c'était amené déjà peut-être à mitiger le point de vue qu'on pouvait avoir. Sur cette question de manichéen, on a eu un autre challenge. Alors, c'était sur un autre jeu qui s'appelle Shame Gas. Shame Gas, c'est un jeu sur le lobbyisme pro-gaz de schiste. En fait, c'est un jeu qui permet, en jouant, de décrypter quelles sont les tactiques des lobbyistes pro-gaz de schiste. Il y a une légère éditorialisation parce qu'on ne fait pas la promotion du gaz de schiste, mais on met plutôt en lumière les pratiques des lobbyistes. Et là-dessus, on s'est rendu compte à un moment qu'on avait une mécanique de gameplay qui était super intéressante, qu'on voulait absolument intégrer, qui était la corruption. On voulait que nos lobbyistes puissent faire des pots de vin aux politiques pour pouvoir les effacer de l'écran de jeu et que le joueur puisse continuer sa progression. Sauf que dans la réalité, il n'y a aucun cas avéré de lobbyiste qui ait un jour corrompu avec une valise d'argent, entre guillemets, un politicien, quel qu'il soit son niveau ou autre. Et justement, est-ce que dans le cas hypothétique où je ne sais pas si la corruption a été intégrée, mais autant un journaliste qui va écrire un article, qui va divulguer des informations fausses, qui mettent en cause des personnes, peut être attaqué en diffamation, est-ce qu'un game designer peut être attaqué en diffamation parce que par son game design, dans un cadre de jeu citoyen, il a sous-entendu des choses qui sont non avérées? Je pense tout à fait que c'est le cas. Alors c'est d'autant plus le cas si on est sur une forme de jeu qui se repose justement uniquement sur l'information. Je pense notamment à ce qu'on a fait encore une fois sur Notre-Dame des Landes, sur NDD News Game. On est sur un jeu où il y a quand même beaucoup de degrés d'information, on a beaucoup de contenu qui est amené. Et là-dessus, effectivement, on peut vite se retrouver un peu dans la même posture du coup du journaliste qui se fait attaquer. Après que ça soit attaqué sur la mécanique en tant que telle, c'est déjà un peu plus compliqué, je pense, à faire valoir comme argument, puisque c'est aussi exprimer une vision. On dirait la même chose si je crée un documentaire ou pas. À ma connaissance, il y a eu polémique sur certains jeux. Il y a eu interdiction de certains news games, enfin news games, ou du moins jeux critiques et engagés. Je pense notamment à Faith Fighter, qui est donc encore un jeu de Mole Industria, où on incarnait une divinité. On pouvait incarner par exemple Mahomet contre Jésus, ou Bouddha contre Shiva. Et ce jeu a été interdit dans certains pays. Je pense notamment, je crois que c'était au Brésil. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est dans un des États du Brésil où ça a été interdit parce qu'il y a une mosquée qui a porté plainte contre ce jeu. Ce jeu était interdit de diffusion, entre guillemets, dans cet État au Brésil. Alors, sachant que vu que c'est sur Internet, les frontières, ça tient pas des masses. Mais c'était intéressant comme signal fait parce qu'effectivement, là, on avait la réaction, la friction suffisant pour que le game designer ait rétro-pédalé sur son gameplay et propose une version alternative de son jeu, où cette fois, il fallait donner de l'amour aux divinités. Elles se battaient plus entre elles. Il fallait leur donner de l'amour, et pour pas perdre le jeu, il fallait qu'elles reçoivent toutes autant d'amour. J'imagine qu'effectivement, quand on fait du game design et qu'on interroge la citoyenneté, la réaction des gens qui ne jouent pas est aussi intéressante que la réaction des gens qui jouent finalement. Exactement, on cherche aussi à savoir pourquoi les gens du coup ne jouent pas. Ou pourquoi les gens ne vont pas au bout d'une partie. Souvent, en game design, on va se dire c'est parce que le niveau de difficulté est trop compliqué ou autre. Là, vu qu'on est sur des rhétoriques, donc en fait, on est sur des mécaniques de jeu qui portent un message ou qui est rhétorique, est-ce que ce serait pas le message qui coince? Peut-être qu'au final, c'est, j'allais dire, si on est dans une question d'un jeu qui met le joueur face à faire des choix, par exemple. Là, je vais prendre un news game sur lequel j'ai commencé, mais qui est un peu avorté, qui je suis pas encore sûr s'il sortira ou pas. C'est un jeu qui vous met dans la peau d'un comment dire d'une personne de la préfecture qui doit valider ou non l'ouverture de la ferme des 1000 vaches. Donc, qui est un sujet assez polémique du moment. Et là, on fait une espèce de d'uchronie où on revient quelques années auparavant, on se demande si ça doit, si le projet doit être lancé ou pas. Vous êtes à la préfecture. Vous devez voir passer un certain nombre de dossiers, etc., d'arguments pour et contre, et vous devez décider si oui ou non, au final, vous allez ouvrir cette ferme ou pas. On peut imaginer que si à un moment il y a des choix trop compliqués à faire, soit parce qu'ils ne sont pas suffisamment explicites, soit parce qu'ils sont moralement compliqués à faire, c'est peut-être ça qui à un moment va faire que le joueur va arrêter de jouer, ou que le joueur ne va pas vouloir jouer. Et ça, c'est intéressant, parce que peut-être que le joueur ne veut pas justement être mis en posture de décideur. Et c'est notamment quelque chose qu'on retrouve, si on parle de la citoyenneté, si on reboucle sur Influent de tout à l'heure, un des constats de départ, c'était que les gens voulaient, entre guillemets, influencer, voulaient peser dans la balance, mais sans pour autant prendre la responsabilité de la décision, et laisser la décision aux élus qui avaient été élus pour ça, en l'occurrence. Il y a quelque chose, moi, que je trouve toujours étonnant quand je m'interroge sur le news game et sur le jeu citoyen en général. C'est qu'en fait, quand on regarde les chiffres, le news game est très populaire. Il faut savoir que, par exemple, je crois que c'était en 2013, l'article le plus lu du New York Times est un jeu. Us versus Them est un célèbre site aussi de news game, très populaire, il fait des millions et des millions de vues. Or, quand on regarde autour de soi, on a l'impression que personne ne joue. Alors, est-ce que les gens ont du mal à s'identifier comme joueurs de news game? Ah, il y a peut-être aussi une petite hypocrisie, j'allais dire, où des gens n'assument pas d'être joueurs d'une certaine manière. On revient sur la question de quelque chose de très trivial, enfin que le jeu serait quelque chose de très trivial, ou ce serait pas aussi noble que d'aller au cinéma, ou que ce serait pas aussi noble que de lire une BD ou un livre. Il y a peut-être, ça joue peut-être un peu. Après, c'est vrai qu'on est aussi dans une culture, enfin du moins en France, on a la culture du débat. Pour autant, on a la culture du débat noble. Donc, on aime bien que ça soit un peu ronflant, on aime bien que ça soit sur des estrades, dans des réunions publiques et tout. Ce qui fait que les gens déjà ne vont plus s'engager sur ces modalités-là, et ce qui fait qu'elles s'engagent peut-être pas sur des modalités qui sont annexes, qui seraient du débat par du news game. Le problème qui est peut-être, c'est qu'il y a une espèce de dégoût au final de la chose publique d'une certaine manière, ou d'un rejet de la chose publique parce que y a des amalgames qui ont été faits, ou parce qu'il y a une espèce de comment dire de résolution. Les gens se sont résolus au fait que on ne pourrait pas débattre, que ça soit par le jeu, que ça soit par le débat autrement. Il y a aussi le fait que le news game ne soit pas aussi peut-être développé que dans d'autres pays, du moins en France, avec des réticences aussi internes aux rédactions, puisque ce sont elles qui sont quand même censées être les premières promoteuses, d'une certaine manière, de cette forme d'information, de participation au débat, vu que sans presse, il n'y a pas de démocratie. Là, elles ont peut-être pas encore franchi le pas. Mais à côté de ça, il y a des game designers indépendants qui produisent aussi du news game. La question du public, c'est la même. C'est comment à un moment on arrive à distribuer notre jeu de façon suffisante et indépendante, surtout rester indépendant dans la diffusion du jeu pour toucher un large public. Aujourd'hui, on est obligé de souvent de s'accoler à des diffuseurs, donc notamment des rédactions, ça peut faire sens. Ou alors parce que ça peut être un news game qui a été commandité ou missionné par telle ou telle organisation, ça reste du news game, ça reste un jeu avec un message, ça reste un jeu avec une portée citoyenne. Pour autant, le message qu'il va faire passer a déjà été éditorialisé par une autre personne que le game designer. Le game designer l'a juste retranscrit en mécanique de jeu d'une certaine manière, sans pour autant le questionner ou autre. Mais on est obligé de s'accoler à un diffuseur, à moins d'avoir une force de frappe remarquable. Mais à ma connaissance, en France, aucun studio de développement faisant du news game ou du jeu engagé aurait cette force de frappe-là. Pour rester sur la question du public et sans vouloir faire du tout de clichés générationnels, est-ce que l'approche des questions citoyennes par le jeu vidéo, c'est pas une solution aussi pour des médias plus traditionnels, pour toucher un public qui de la vie générale s'intéresse peu à la presse papier, par exemple, donc les 30 ans et moins, pour caricaturer un peu, et du coup peut-être les accrocher par des médias, par des formes médiatiques qui leur sont plus familières. Si, tout à fait. Et alors un truc que j'aime bien mettre en avant quand je parle de news game, c'est comment on peut détourner des mécaniques de jeu qui existent déjà sur des jeux qui sont joués par des publics qui ne s'intéresseraient pas à l'information. Je pense notamment à Plants vs Zombies, qui est un jeu extrêmement connu sur tablette, où il s'agit de, en fait, c'est ce qu'on appelle grossièrement un tower defense. Donc on doit défendre une partie du terrain en posant des espèces de mini tourelles, des petits canons sous forme de fleurs et empêcher des zombies de venir manger tout ça. C'est une mécanique qui est très bien rodée, qui fonctionne à merveille, qui est super. Nous, on l'a réutilisée pour Shame Gas, où en fait, on a remplacé les assets de jeu, donc les atouts de jeu ou les petits personnages, on les a remplacés par des choses qui étaient liées à l'histoire qu'on racontait sur le gaz de schiste. Donc, entre guillemets, d'un côté de l'écran, vous posez vos tactiques comment dire, de lobbyiste, et de l'autre côté, vous avez les opposants qui arrivent. Et c'est poser la bonne tactique contre le bon opposant pour l'arrêter ou pour l'empêcher qu'il sabote votre projet de promotion du gaz de schiste. C'est une mécanique qui est très familière à pas mal de joueurs et du coup qui marchait très bien. Parce que pas mal de joueurs qui n'auraient pas été intéressés par le sujet du gaz de schiste parce que c'est politiquement compliqué, parce que c'est loin de nous, pour X ou Y raison, là au final ils se retrouvaient sur une mécanique qu'ils connaissaient déjà. Et ils ont juste commencé à comprendre pourquoi lorsque je mets un CRS en face d'un gars avec un cocktail Molotov, pourquoi ça marche? Pourquoi est-ce que si je mets un CRS en face d'un sénateur, pourquoi ça marche pas? Et au final, par ces mécaniques qui sont vraiment relativement simples, juste ce côté appairage ou ce côté matching entre deux trucs, permettait de décrypter un peu le propos. Donc si on arrive à se baser sur des médias, effectivement, ou des formes même de jeux qui sont déjà des formes de jeux, tu parlais de Monopoly tout à l'heure, qui sont communément admises, qui sont faciles et compréhensibles instinctivement parce qu'elles ont été bien rodées et qu'au final on rajoute une couche de métaphore sur un sujet d'actualité, c'est à mon avis le meilleur moyen de percer, ou du moins de pas rester sur une mécanique qui serait peut-être trop élitiste parce que ça intéresserait justement à ce qu'on parlait tout à l'heure, uniquement le second niveau de joueurs qui, eux, s'intéressent aux mécaniques et non pas à l'histoire. Alors, on a parlé de jeux qui prenaient des modalités de jeu pour en faire des enjeux ou pour poser des questions citoyennes et qu'ils faisaient de façon intentionnelle. Et il y a une autre forme que je trouve intéressante, c'est des joueurs qui s'emparent d'un jeu qui n'a pas réellement de contexte politique ou citoyen et qui eux-mêmes y intègrent leurs usages. On a parlé dans le podcast précédent de la question de la forme du jeu et des usages. On est vraiment dans cette idée-là. Je pense par exemple, alors c'est peut-être un exemple qui peut avoir l'air tiré par les cheveux, mais à des guildes dans un World of Warcraft. Est-ce que là, on est dans des joueurs qui se construisent en tant que citoyens, mais dans un univers virtuel? Ah, tout à fait. Si on regarde sur les jeux massivement multijoueurs en ligne, il y a des mécaniques super intéressantes de gouvernance, justement de gouvernance alternative, qui se mettent en place. Parce que il y a tendance des fois à avoir une abolition de la hiérarchie. On a une redéfinition de ce que sont les mécaniques économiques, ou du moins le pouvoir entre une décision et son impact économique. C'est un peu ce qui conditionne aujourd'hui la façon dont la société marche. Sur ces jeux qui sont des espèces de bac à sable, au final, on peut tester des formes alternatives. Parfois, les codes sont complètement retravaillés. On a même des jeux qui se politisent, je pense notamment à Second Life. Second Life, il y a eu énormément de. Comment dire? Ça, c'était un jeu qui a servi de plateforme à pas mal de messages, notamment sur la question, je pense, des droits des homosexuels. Donc, à savoir, est-ce que je peux sortir avec un personnage du même sexe sur Second Life? avoir des espèces d'happenings, comme on peut retrouver des happenings dans la rue politique. Là, on en retrouve en ligne aussi sur des jeux. Si je prends l'exemple de EVE Online, qui est donc un jeu pas massivement multijoueur qui se passe dans l'espace, où on retrouve le système de guild, on retrouve le système de groupe, etc. Et tout. On a eu, comment dire, il y a quelques mois, une espèce de bataille absolument gigantesque qui a impliqué des milliers de joueurs qui se sont tapés dessus d'une certaine manière. Et cette bataille s'est produite parce qu'il y a eu toutes des conflits politiques internes au jeu qui n'étaient pas décidés par les game designers. C'est-à-dire que les game designers n'ont pas créé une histoire où on aboutirait à une bataille. Non, c'est les joueurs qui se sont déjà mis eux-mêmes en faction et qui, à l'extérieur même du jeu, ils avaient des formes et tout, ont commencé à se taper dessus, à faire de la diplomatie, et ça a résulté dans cette méga bataille. On a même eu des journalistes qui ont retranscrit ce qui s'était passé sur cette bataille, comme ils auraient fait ça, je sais pas, à Fallujah en Irak ou autre, dans le même genre, quoi. Donc vraiment des questions de citoyenneté virtuelle dans ce cas-là. On peut peut-être s'imaginer ou se prendre à rêver ou à imaginer qu'un jour, dans des mondes virtuels, des gens créeront des news games pour réengager les citoyens de ces univers de pixels. On pourrait au moins utiliser le jeu comme vraiment un bac à sable pour essayer des nouvelles formes de gouvernance ou des nouvelles formes de citoyenneté. Encore une fois, on n'est pas tant sur la question de la simulation, de savoir effectivement si ça va marcher de façon optimum et tout. On est plus là pour tester des hypothèses ou de voir si c'est plausible. Vu que je peux définir un peu comme je veux les interactions et les règles du jeu, je peux très bien décider demain, allez, je crée une fausse ville, un peu à la SimCity. SimCity, s'il y a bien un exemple de jeu qui permet une politisation, c'est bien SimCity. On pourrait parler aussi des jeux comme Civilization qui le font aussi. Sur SimCity, d'ailleurs, il me semble qu'il y a quelques temps, un joueur a déclaré avoir gagné SimCity en créant une ville autonome, absolument optimisée, et qui ne pouvait fonctionner correctement que dans un régime complètement autocratique. Si je retrouve les références, je ne sais pas si vous avez suivi un peu cette histoire-là. Alors non, j'ai pas suivi cette histoire-là. J'ai suivi une autre histoire qui était pas absurde, mais assez révélatrice de ce que peut être un positionnement politique dans un jeu. C'est une personne dans World of Warcraft qui a décidé de monter au niveau maximum sans tuer un seul monstre. On parle parfois, du moins dans la vie hors-jeu, on parle beaucoup de tout ce qui est le droit des animaux, de savoir est-ce que ils peuvent être considérés comme du mobilier ou pas, pour faire écho à un débat récent. Dans un jeu, l'animal, il est là, vous le tuez et vous gagnez des points ou des pièces d'or, enfin, mécanique totalement absurde. Et lui a décidé justement de vouloir augmenter sans tuer un seul animal, ou sans tuer un seul être animal, et uniquement en gagnant des points d'une manière annexe. C'est d'une certaine manière assez masochiste, mais également une forme de message politique, c'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, la rhétorique, c'était, entre guillemets, tuer l'autre pour progresser, et lui montre qu'on peut hacker, entre guillemets, le système en progressant sans pour autant tuer l'autre. Effectivement, c'était en faisant de la pêche ou je sais plus quoi. Dans le cas de SimCity, moi, ce que j'ai entendu, d'après mes informations, en fait, oui, il y avait en tout cas les speedrunners de SimCity ont trouvé que le meilleur moyen d'avancer plus vite au score maximum, qui est en fait le nombre d'habitants, c'est de faire un régime autocratique totalement tourné vers l'industrie. Et c'est absolument abominable. Je vous invite à regarder les speed games sur ce jeu-là. Plus généralement, moi l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une sorte de tension qui monte dans le milieu vidéoludique, mais aussi ludique. Puisqu'on a parlé du cas de Eve, le cas des Sims, là par exemple, la dernière extension des Sims n'inclut pas les personnes transgenres et ça a fait scandale. Assassin's Creed n'inclut pas de perte d'avatar femme, ça fait un scandale. Super Meat Boy, c'est un bout de viande, ça fait scandale. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de se monter le chou sur le jeu? Alors, à mon avis, c'est des débats qui peuvent être peut-être un peu instrumentalisés, mais qui sont pour autant pas inintéressant, parce qu'on a quand même un espèce de statu quo sur le jeu où on a des personnages plutôt blancs, plutôt masculins, plutôt bien portants, qui vont être des avatars dans lesquels on est censé se projeter pour avancer. Ça reste quand même une norme assez marquée. Je pense notamment lorsque c'est GTA San Andreas qui est sorti, où on a incarné CG, qui est donc un black d'une vingtaine d'années qui vient d'un quartier défavorisé de Los Santos, donc Los Angeles dans la réalité. Et bah ça, c'est déjà un message qui est en soi socialement et politiquement engagé. Enfin, Rockstar est quand même assez doué pour ça, mais on a une espèce de remise en cause du statu quo qui voudrait qu'on ait uniquement sur des gens qui ont été taillés ou qui ont été définis pour être des héros à la base. La question de la féminisation des avatars, par exemple, est assez intéressante. Alors non pas parce que il faudrait une espèce de j'allais dire d'égalité parfaite ou autre, c'est même pas une question de quota ou autre, c'est à quel moment la mécanique peut aussi nous présenter un autre point de vue. Moi j'attends qu'on fasse notamment par exemple un jeu sur le harcèlement de rue, où moi en tant qu'homme on me mettrait dans la peau L'appel est d'une... lancé. L'appel est lancé, mais on y réfléchit un peu aussi. Ouais, aussi. Bon, bah, faut qu'on en parle. Parce que, voilà, je parlais d'exercice d'empathie tout à l'heure. Moi, en tant que mâle blanc d'une vingtaine d'années, c'est pas quelque chose qui va m'arriver. Pour autant, si on me projette dans cette situation, peut-être que je vais pouvoir comprendre des choses que je ne comprends pas autrement. Ou du moins, ça va me faire plus réfléchir que si on me le raconte à travers un article de journal ou autre. Donc, je crois pas mal à cette, encore une fois, cette dimension un peu bac à sable du jeu qui permet d'expérimenter autre chose et des choses alternatives et du coup des choses qui remettent en cause des statu quo existants. On parlait de gouvernance tout à l'heure, ça pourrait être le cas. On pourrait imaginer un jeu où il n'y a pas du tout la même, pas du tout une notion d'économie. Donc comment on pourrait imaginer les échanges entre les différents individus ou les différents acteurs du jeu sans qu'il y ait une seule notion d'économie, par exemple? Il me semble qu'il y a eu des jeux assez proches. Moi, j'ai souvenir d'un massivement multiplayer qui s'appelait Rhizome il y a déjà quelques temps, où pour le coup, on était dans un univers un peu végétal avec des graines comme monnaie qui pourrissaient si on ne les utilisait pas. Donc, vraiment, la mécanique de monnaie fondante qu'on peut connaître sur des monnaies locales, j'imagine qu'effectivement, c'est un espace de création et d'essai de ce point de vue-là. Pour revenir sur les scandales que tu citais, Adrien, tout à l'heure, est-ce que quelque part aussi le fait que il y ait de plus en plus et de façon de plus en plus audible de scandales ou en tout cas de débats de société sur des parties pris de jeux vidéo, des parties pris d'écriture de jeux vidéo ou d'autres jeux. Il se trouve que c'est plus le jeu vidéo que les jeux de société ou les jeux de rôle. Est-ce que c'est pas signe que finalement le jeu, en règle générale, est devenu en soi un enjeu de société, une forme culturelle, un média à peu près au même niveau que les autres, sans vouloir passer la brosse à reluire sur notre sujet de réflexion de podcast. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a eu les mêmes débats sur le cinéma à un moment, et là on arrive à avoir le même débat sur le jeu. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être un élément trivial, un élément de divertissement, mais c'était aussi un élément un peu structurant d'une certaine partie de notre culture aujourd'hui, de notre culture moderne, et que en fait c'est un peu le catalyseur pour des débats qu'on retrouve ailleurs dans la société. Je veux dire, la question, si on reprend la question de la place de l'avatar féminin dans un jeu ou qui mettrait uniquement des hommes en puissance, si on le transpose j'allais dire au monde des sociétés du CAC 40 où il n'y a quasiment pas de femmes dans les conseils d'administration, on a en fait une tension qui est à peu près la même. Après, c'est peut-être un peu dommage qu'on se focalise sur le jeu et pas tant sur les conseils d'administration. Mais pour autant, ça montre que ce débat peut avoir lieu et peut-être qu'en fait. Alors, c'est très utopique et j'ai rien pour appuyer ça, mais peut-être qu'on va trouver des pistes de réponse de la façon dont on aura traité ce débat dans le jeu, ou du moins comment on aura résolu ce débat dans le jeu. Est-ce qu'on aura mis plus d'avatars féminins? Est-ce qu'on aura un jeu différent selon qu'on incarne une femme, un homme? Est-ce que c'est exactement le même jeu? Voilà. Est-ce que ces pistes-là de réflexion, ou du moins ces pistes de solution, peuvent être après transposées dans un autre domaine? Donc, on parlait notamment de. À l'instant des conseils d'administration des entreprises. En fait, ce qui est bien avec le jeu, c'est qu'on peut simuler des utopies, en fait. C'est ça, là, peut-être, ce que peut apporter le jeu politiquement par rapport à un média papier ou au cinéma. Ouais, je pense notamment à Civilisation, à la série des Civilisations, qui est donc un jeu où il faut bâtir sa civilisation, son empire. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les fins de. Alors vous pouvez décider d'être vraiment orienté guerre, vraiment orienté économie et tout. Et il y a des choix qui sont assez intéressants. Moi, je me souviens la première fois que j'ai joué à Civilization, donc c'était Civilization 5, la première fois que j'ai joué au cinquième plutôt. J'ai bien aimé le fait qu'ils aient mis la possibilité qu'on puisse suivre une doctrine qui était la doctrine autocratie. Ce qui paraît pas du tout être un truc, je dirais, qui tombe sous la bienséance ou qui. Ou autre quoi. Aujourd'hui, dans une démocratie qui pourrait se dire, ok, bon, je vais faire le choix d'avoir un système autocratique et voir ce que ça fait. Bah là, on peut voir ce que ça fait. Alors là, effectivement, ça va conditionner une partie du jeu après, mais pour autant, ne serait-ce que mettre le joueur face à cette décision où vous avez trois possibilités, vous choisissez plutôt un truc de type ordre communiste, un truc de type égalité libérale, etc. et tout, et un truc du côté autocratique fasciste. Qu'est-ce que vous choisissez? Sachant que chacun a ses bons points et ses mauvais points. Bah, donner ne serait-ce que le choix à faire là-dedans. Alors oui, il y a peut-être des gens qui vont être conditionnés, qui vont se dire démocratie, il y en a d'autres qui vont se dire, bon, qu'est-ce que ça fait si je joue autocrate? Qu'est-ce que ça fait si je deviens dictateur, ne serait-ce que le temps d'une partie? Finalement, la moralité, c'est que le jeu, c'est un bon outil de prospective et de mise en perspective dans un cadre citoyen, à la condition qu'on se pose la question de l'intention du game designer. Ouais, il faut toujours avoir une attitude réflexive. Il faut en fait apprendre à lire les jeux au-delà d'apprendre à les jouer. C'est-à-dire que se demander, c'est un peu comme un film. On le fait naturellement pour un film. On se demande, voilà, qu'est-ce que l'auteur a voulu faire passer Ou comme pour un article de message, presse. comme pour un article de presse. On se demande, voilà, quel est le message derrière? Est-ce que je suis uniquement sur du factuel ou est-ce qu'à un moment on a essayé de me raconter une histoire pour m'amener plutôt à tel endroit? On devrait faire la même chose avec des jeux. Je pense notamment donc, au travail de Molly Industria, c'est un peu son propos, c'est un peu de créer des jeux qui permettent de démonter les mécaniques de jeu, ou du moins de comprendre les mécaniques de jeu parce qu'elles sont tellement exacerbées que ça nous force à nous questionner. Eh bien, merci beaucoup, Bastien Kaspern, pour toutes ces réponses. J'espère que ça vous aura donné, à vous qui nous écoutez, du grain à moudre. Nous, oui, hein. Et puis, on essaiera de vous faire une petite liste avec la collaboration de Bastien de quelques jeux qui peuvent être intéressants, des jeux dont on a parlé aujourd'hui ou quelques autres qui peuvent être intéressants de regarder pour justement poursuivre la réflexion. En attendant, on vous retrouve dans 15 jours avec un nouveau sujet, un nouveau podcast. Merci à nouveau, Bastien Kerspern. Merci. Et puis voilà, hein, on va dire bonne soirée, bonne journée, bonne écoute en tout cas. Jouez bien, jouez plein. Voilà, et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Évidemment, on est très à l'écoute. Si vous avez des suggestions, on est preneur.